faites assez pour l'écouter. 89.1. C'est fou.ca. Monsieur Plancho. Dans ton origine, la télé est 8 fois plus populaire que Netflix au Canada et la radio est plus populaire que le journal. Donc, gros groupe des médias étudiants. Dans le segment Geek Célix, avoir de l'acné pourrait protéger votre peau du vieillissement et être vu vous donne des rides et les gens chialent si vous faites le cover de l'actualité. Et donc, merci science avec le cibathlon, les cyborgs ont leur compétition sportive. Le Monsieur Plancho commence tout de suite. Et voici celui qui est content que les robots fassent du sport à sa place, Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui dans l'émission de la semaine du 10 octobre 2016, comme toujours, la chronique télévisuelle Television, la chronique de sciences, technologie et médecine, merci science, le segment geek CNX. On va avoir aussi plein de musique chiptune, hein? Et c'est avec ça qu'on va commencer d'ailleurs. On va faire une série musicale plus tard dans l'émission, je dirais en deuxième partie. Mais avant ça, donc un petit peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo ou encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. Alors, on a débuté avec une pièce de Venom. Au début, c'était Daytime et on poursuit avec 8-bit Chintendo et la pièce Rainbow Ride. Tout de suite, MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. We'll be right back. La pièce Rainbow Ride. Je viens de comprendre, je crois, le jeu de mots de 8-bit Chintendo. Je pense que ça veut dire comme 8-bitchin, comme dans bitchin, quelque chose qui est bitchin, et non pas bit Chintendo. Bref, 8-bit Chintendo avec la pièce Rainbow Ride au Massive Plan Show. Maintenant, c'est Television Television. Télévision, télévision, la chronique dans laquelle on parle de nouvelles télévisuelles. Commençons par le Québec et du calcul, oui, qui est encore dans les nouvelles aujourd'hui et n'approuve pas le jeu des recettes pompettes. L'organisme d'information, de prévention et d'éducation face à la consommation d'alcool désapprouve fortement l'apparition du jeu d'Éric Salvaille sur le marché. À la Huffington Post Québec s'est entretenu avec le directeur général d'Éducalcool, un certain Hubert Sassy. Vous avez peut-être vu par les Facebook la grosse affaire par rapport à une autre station de radio. On n'ira pas plus dans les détails que ça. Mais il a exprimé sa désolation de voir un jeu qui incite à la consommation d'alcool apparaître sur les tablettes. Je cite, « Nous sommes en train d'assister à une banalisation de la consommation excessive d'alcool. Ce qui est encore plus grave, c'est que c'est devenu une valorisation. Ça devient un objectif. Comme le jeu classé 18 ans et plus est vendu comme un incontournable du temps des fêtes qui permettra de recréer l'ambiance et la folie de l'émission avec votre famille et vos amis. » Ça, c'est une citation. « Éducalcool craint que les enfants soient interpellés par ce concept inapproprié pour leur jeune âge. » Je cite, « Le jeu devient un prétexte pour boire. Si ça devient un divertissement familial, les enfants pourront voir ça. » Vous pouvez aller voir les détails sur le nouveau jeu de table sur assemblagerequis.com. Il faut dire que l'organisme de prévention avait aussi fait part de sa consternation lorsque l'émission, animée par Éric Salvaille, avait vu le jour en 2014. Éducalcool avait d'ailleurs fortement réagi sur Twitter lors du passage de l'animateur à Tout le monde en parle, engendrant un échange sur Twitter. Voilà, donc vous pouvez lire l'article et voir les tweets sur assemblagerequis.com encore une fois. Vous faites votre propre avis là-dessus. On reste au Québec pour les acteurs, mais on va dans une série anglophone. C'est Kevin Parent et Micheline Langteau qui vont jouer dans une série en anglais. Les deux acteurs québécois interpréteront des policiers dans le drame psychologique The Disappearance. CTV et Super Écran ont annoncé le début du tournage en 4K de la nouvelle série de 6 épisodes The Disappearance. Les Québécois donc feront partie de la distribution du drame psychologique tourné en anglais. L'Américain Peter Coyote, ça c'est vraiment très viril comme nom, Peter Coyote, qu'on a notamment pu voir dans E.T. et les Canadiens Aidan Young, Joanne Kelly et Camille Sullivan figureront également au générique de la série réalisée par Peter Stebbings, donc on connaît pour Saving Hope et Orphan Black. Donc synopsis, je cite, le drame psychologique familial qui racontera la disparition soudaine et inexpliquée d'Anthony Sullivan le jour de son 10e anniversaire pendant une chasse au trésor. La série suit la famille pendant que se déploie le mystère complexe et chargé d'émotivité. Autour de la disparition de l'enfant, pendant que les policiers et la famille mènent chacun leur propre enquête, recherchant indices et preuves, des secrets familiaux profondément enfouis refont surface, provoquant des impacts imprévus, sur chaque membre de la famille Sullivan. Langteau y interprétera la lieutenante détective Susan Bowden, alors que Kevin Parent sera son partenaire, le sergent détective Charles Cooper. Les noms sont vraiment très anglophones. La première diffusion est prévue sur CTV en version originale anglaise et à Super Écran en version française au printemps de 2017. Rappelons que Kevin Parent a récemment lancé Kanji, son deuxième album de chansons en anglais et son 8e en carrière. Micheline Langteau, on la connaît pour les séries du même auteur que Feu, là, je me rappelle jamais de son nom, ce gars-là. On va au Canada anglais. On reste au Canada anglais avec Ottawa qui rétablit le fameux crédit d'impôt Bazo. Moins d'un an après l'annulation de Bazo.tv, après la perte de son crédit d'impôt, le gouvernement Trudeau permettra désormais au talk show d'être admissible au crédit d'impôt fédéral pour les émissions de télé, selon la presse. Cette décision d'Ottawa mettra fin à l'interprétation par les fonctionnaires des règles du crédit d'impôt qui a entraîné l'annulation de Bazo.tv et qui menaçait plusieurs magazines télé comme Deux Hommes en Or et Les Francs-Tireurs, entre autres. D'autres talk shows comme En mode salvaille et Tout le monde en parle pourraient aussi devenir théoriquement admissibles au crédit d'impôt. L'industrie québécoise du petit écran s'était mobilisée pour demander de tels changements à l'admissibilité au crédit d'impôt fédéral qui couvre environ 15% des dépenses de main-d'œuvre des émissions qui y ont droit. Je cite, c'est une excellente nouvelle. À moyen terme, il y aurait eu tout un pan de la programmation qui serait tombé l'an prochain sans changement aux règles. Je suis contente pour l'ensemble de la télé québécoise, pour les téléspectateurs qui ont droit à une télé différente du reste du Canada, a confié la productrice et animatrice Marie-France Bazo avec la presse. La ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, estime que l'importance des talk-shows au petit écran justifie cette modification. À la fin de l'année 2015, le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens, le BCPAC, un organisme indépendant à l'intérieur du ministre du Patrimoine qui est chargé d'administrer le crédit d'impôt, a classé certains magazines télé québécois comme des émissions d'interviews variétés, une catégorie qui est exclue du crédit d'impôt. Je cite, une incompréhension de la télé québécoise, dit Marie-France Bazot. Son émission Bazot.tv a ainsi perdu son crédit d'impôt et l'émission a pris fin au printemps dernier. Les responsables d'autres émissions, dont Deux Hommes en Or, avaient été prévenus que leur crédit d'impôt leur serait probablement retiré l'an prochain au terme de leur contrat avec leur diffuseur. Auparavant, Bazot.tv et Deux Hommes en Or étaient considérés comme des magazines de société, catégorie donnant droit au crédit. Comme le gouvernement fédéral ne peut pas intervenir directement dans les décisions des fonctionnaires responsables du crédit d'impôt, l'Association québécoise de production médiatique, l'AQPM, a plutôt demandé à Ottawa de modifier les règles pour ne plus exclure la catégorie interview variété, ce qui a été fait par décret à la fin du mois de septembre. Avec la décision d'Ottawa, les émissions d'interview variété ne seront plus exclues automatiquement du crédit d'impôt, ce qui veut dire que les émissions comme Tout le monde en parle et En mode salvaille qui n'ont jamais eu droit au crédit d'impôt pourraient y être admissibles à condition de remplir tous les autres critères. Par exemple, le crédit d'impôt est réservé aux productions indépendantes, le diffuseur ne peut pas être le producteur. Dans sa forme actuelle, Tout le monde en parle, qui est coproduit par Radio-Canada, n'aurait pas droit au crédit d'impôt malgré les changements apportés par Ottawa. Le producteur délégué de Tout le monde en parle, Guillaume L'Espérance, estime qu'il est beaucoup trop tôt pour aborder cette question. Marie-France Bazot se dit favorable à ce que l'ensemble des émissions de type talk show aient droit au crédit d'impôt fédéral. Je cite, c'est aux diffuseurs de faire des grilles cohérentes avec leur station. Elle dit, ça prend du Salvaille, du Charrette, du Bazot et du Guy Lepage. Malgré le changement aux règles, c'est la question qu'on se posait. En fait, malgré le changement aux règles du crédit d'impôt fédéral, Bazot.tv, qui a fait 10 ans à Télé-Québec, ne reviendra pas. Je cite, l'émission n'existe plus, je suis rendu ailleurs. On est déjà sur autre chose. Je vais continuer à penser à des émissions dans ce même esprit, des émissions qui parlent d'affaires publiques, a-t-elle dit. La productrice a proposé à un diffuseur un projet du même genre, nouvellement admissible au crédit d'impôt, mais elle préfère ne pas donner plus de détails pour l'instant. On va aux États-Unis. Après les échanges vulgaires avec Trump, l'animateur Billy Bush a été suspendu. Donc l'animateur de l'émission Today sur NBC, il joue dans la troisième heure, je crois, l'émission qui débute à 9h, heure de l'Est. Donc il ne sera pas à la barre, il n'a pas été à la barre de l'émission lundi et probablement que ça ne reviendra pas. Il a été suspendu de la chaîne après la diffusion, bon, on s'en rappelle tous, là, d'une vidéo vendredi dernier dans laquelle il dialoguait avec Donald Trump, avec des propos vulgaires, etc., etc. Une vidéo qui date de 2005, qui a été donc mise au jour par le Washington Post. On saute par-dessus les détails. Donc la conversation, blablabla, ben c'est ça. Dans le fond, l'article ne dit rien de plus. Ce que j'ai lu entre les lignes dans d'autres articles, c'est que selon une source chez NBC, les chances sont presque impossibles que Billy Bush revienne. Disons que lorsque Access Hollywood a diffusé la vidéo, ils ont comme coupé les petits bouts où Billy Bush s'incriminait un petit peu, tu sais, où il était un petit peu plus vulgaire en disant de la femme de Donald Trump qu'elle avait une maudite belle paire de jambes, etc. Donc, on a coupé ces bouts-là pour le faire mieux passer parce que Access Hollywood est produit par NBC le Today Show aussi par NBC News, en fait, donc leur portion nouvelle. Oui, leur salut bonjour est sous le chapeau de NBC News. C'est un peu bizarre, mais que voulez-vous? Il y a un petit bulletin de nouvelles une fois de temps en temps là-dedans. Donc, pour la crédibilité de l'émission, Billy Bush s'en va. De toute façon, moi, personnellement, côté éditorial, ici, j'aimais pas du tout Billy Bush. Je trouvais son attitude arrogante. Il a l'air de se penser pas mal meilleur que tout le monde. J'aime beaucoup mieux Carson Daly ou encore qui d'autre? Willie Geist. Qui anime l'émission des shows le dimanche. Je trouve qu'ils font tous du meilleur travail que Billy Bush, mais bon, les gens ont en plus pas l'air de s'entendre, les autres animateurs du Today Show. Cet été, à Rio, il y avait la controverse avec Ryan Lochte, son hold-up, et Al Roker, qui est co-animateur aussi de l'émission pendant la troisième heure, je crois, troisième heure, s'est emporté un petit peu contre Billy Bush en disant « Oui, en a que tu défends Ryan Lochte, tu sais, parce que Billy Bush, évidemment, était du bord de ce gars-là. » Bref, que voulez-vous, hein, ça en fait des sujets, tout ça. Est-ce que c'était Ryan Lochte ou l'autre gars avec un nom similaire? Bref, peu importe. Les détails, c'est pas très important. Tu sais, pour vrai, comme dirait Donald Trump, en autant que tu sois apprécié, les détails n'importent pas. On va chez A&E maintenant. On reste aux États-Unis avec une série qui va aller dans les autos policières pour faire du ride-along. Donc, on sait, les émissions policières font quand même fureur aux États-Unis. Mais maintenant, A&E Network va emmener les téléspectateurs à l'intérieur des patrouilles policières partout au pays. Ça va s'appeler Live PD, qui va donner aux téléspectateurs l'opportunité de se promener à l'intérieur de 6 départements policiers, qu'ils soient en campagne ou en ville. Les épisodes vont être diffusés avec un petit délai dû au potentiel de capture de moments intenses et potentiellement dérangeants. Donc le but est de fournir la transparence de la police. L'émission donc arrive alors que, évidemment, il y a plein de vidéos policières qui se distribuent sur les réseaux sociaux avec des fusillades, etc. Donc Live PD va non seulement montrer le travail difficile des hommes et femmes en uniforme alors qu'ils se promènent dans les rues sans savoir à quoi s'attendre. En termes de business à la télé, ça va suivre donc la lignée des émissions de télé semi en direct, donc ils suivent quelque chose en temps réel. On veut pas pouvoir sauter les pauses publicitaires Et Annie va diffuser 8 portions de 2 heures de cette série-là, qui va être animée par Dan Abrams de ABC, ancien de MSNBC, et détective du département policier de Dallas, Rich Amberlin et Kevin Jackson. Il va y aussi y avoir évidemment une portion réseaux sociaux. Life Philly va débuter le 28 octobre à 21h. J'ai bien hâte de voir ça. Suivre en temps réel le département policier et entrer dans les voitures de ceux-ci. On va à l'international maintenant. Timide départ pour les Beaux Malaises en France. La version diffusée en France des Beaux Malaises qui met en vedette Franck Dubosc a connu un départ plutôt tranquille sur la chaîne M6. La soirée qui était composée de 4 épisodes de 26 minutes. Peut-être que c'est ça l'affaire. Peut-être que 4 épisodes de suite de la même série pour débuter, c'était un peu lourd. Mais bon, donc 4 épisodes de 26 minutes qui ont réuni 2,6 millions de curieux en moyenne, plaçant ainsi M6 au pied du podium des codes d'écoute, loin derrière les 4 321 000 téléspectateurs de la série américaine Blind Spot, qui est diffusée sur TF1, ou encore les 3 277 000 fidèles du documentaire diffusé dans la même case horaire sur France 2. Une performance jugée décevante par le Figaro.tv et la chaîne d'information en continu LCI. Les fans de Franck Dubosc n'ont néanmoins pas boudé leur plaisir sur les réseaux sociaux en publiant des messages d'encouragement en grand nombre en utilisant le mot-clic « Les Beaux Malaises ». On va suivre évidemment le dossier par rapport à une deuxième saison ou au retrait de l'émission. Maintenant, par le fansub, Arte s'ouvre au sous-titrage collaboratif. Alors que la plupart des acteurs de la télévision le considèrent illicite, illégal, Arte se distingue une nouvelle fois en s'ouvrant au fansub. La chaîne publique qui vante son ouverture permanente a annoncé le lancement d'une expérimentation portant sur le sous-titrage collaboratif. Depuis novembre 2015, en complément du français et de l'allemand diffusé à l'antenne, la chaîne culturelle propose sur ses sites internet une sélection de programmes sous-titrés en anglais et en espagnol. Ces programmes sont ainsi disponibles dans la langue maternelle de 55% des Européens. Arte prolonge cette initiative en donnant la possibilité aux internautes de traduire des émissions dans d'autres langues encore. Cette nouvelle expérimentation portera dans un premier temps sur un nombre restreint de programmes. Les volontaires peuvent rejoindre le groupe Arte sur la plateforme de sous-titrage collaboratif Amara. 16 programmes y sont disponibles à ce jour. C'est amara.org. Ces nouvelles traductions seront diffusées par le biais de la chaîne YouTube Arte in English. Si ça vous intéresse, donc allez voir ça sur assemblagerequis.com. Les liens s'y retrouvent. Les amis sont au cœur de la découverte de contenu. Donc en ligne comme à la télé, 70% des adultes québécois découvrent du nouveau contenu grâce aux recommandations de leurs amis, selon une étude du Fonds des médias du Canada, le FMC. C'est ce que révèle le deuxième volet de l'étude sur la découvrabilité du FMC, intitulé « Découvrabilité vers un cadre de référence commun, volet 2, le parcours de l'auditoire ». Au Québec, 70% des participants découvrent de nouvelles émissions à l'aide de leurs amis, qui leur parlent en personne, 32% à l'aide de recommandations des pairs sur les réseaux sociaux, 52% à la suite de l'écoute d'une annonce à la télé et 18% après l'écoute d'une annonce en ligne. Faites à noter, le rôle des influenceurs dans la découverte du nouveau contenu ne serait que de 5% au Québec contre 12% dans le reste du Canada. On surestime probablement les influenceurs, c'est-à-dire les bêtes pensantes, les gens sur Twitter, les YouTubers, etc. Le rapport indique aussi que les adultes canadiens possèdent en moyenne plus d'appareils numériques que jamais. Donc 75% des Canadiens détiennent un téléphone intelligent, 89% un ordinateur, 54% ont une tablette, 40% un téléviseur pouvant être connecté à Internet et 94% des Canadiens possèdent au moins un de ces appareils. Le visionnement de flux vidéo en continu serait en voie de devenir la norme au pays. En effet, l'enquête indique que les Canadiens hors Québec de 16 à 18 ans regardent plus de contenu en ligne qu'à la télé, avec une moyenne de 15,14 heures de visionnement sur les plateformes numériques et de 8,15 heures, avec les téléviseurs traditionnels. Au Québec, les chiffres révèlent plutôt que la télé traditionnelle domine toujours, avec une moyenne de 14,86 heures de visionnement par semaine pour les Québécois de 16 à 18 ans, contre 10,86 sur les plateformes numériques. L'écart est encore plus grand chez les jeunes Québécois, alors que les enfants de 9 à 12 ans regardent en moyenne 3 fois plus de télévision conventionnelle que la numérique. L'objectif de l'étude était d'explorer la découvrabilité du point de vue des auditoires canadiens, c'est-à-dire de déterminer les façons dont ils apprennent l'existence de contenu et font leur choix, en plus d'identifier les principaux vecteurs de découvrabilité. L'article nous provient d'infopresse.com. La télé, le prochain c'était, oui, le catalogue de Netflix a rétréci de 50% au cours des dernières années. Donc aux États-Unis, la variété des contenus du populaire service de vidéo sur demande semble commencer progressivement à devenir chose du passé. Et qu'en est-il au Canada? Alors que le géant de la vidéo sur demande vise à ce que 50% de son catalogue soit peuplé de productions exclusives, cette même proportion de contenu a disparu de son répertoire depuis 2012. C'est ce qu'a soulevé Gizmodo citant un article du blog Extremist, c'est un jeu de mots avec Extreme, Extremist c'est malade, qui a sonné l'alarme un peu plus tôt cette semaine. Non, la semaine dernière, pardon. Selon des sources ayant déjà travaillé chez Netflix, son catalogue américain était composé en 2012 de près de 11 000 films et téléséries. En utilisant les données compilées par le site Unofficial Netflix Online Global Search, UNOGS, le blogueur Tom Jewell rapporte que celui-ci ne comprenait que 5 302 titres au moment de la rédaction de l'article, le 28 septembre dernier. Lorsqu'on se prête au même exercice aujourd'hui, on tombe désormais à 5 287 films et téléséries. Préférant ne pas uniquement nous fier à cette source, dit branchez-vous, nous avons également visité le site AllFlix, un moteur de recherche équivalent qui affiche également le nombre de contenus répertoriés chez Netflix. Il est plutôt question de 5 474 titres. Mais peu importe, s'il est vrai que Netflix aux États-Unis offrait approximativement 11 000 contenus distincts en 2012, c'est tout de même la moitié moins aujourd'hui. Un constat d'autant plus agaçant lorsqu'on se garde en tête que Netflix a récemment augmenté ses prix. C'est vrai. D'abord aussi, là on parle du Canada, il faut comprendre qu'une aura de mystère a toujours plané à propos de la taille du catalogue de Netflix. Nous dit branchez-vous. Par exemple, lors de son introduction au pays en septembre 2010, Netflix vantait que des milliers de films et téléséries étaient désormais accessibles au marché canadien. En rapportant la nouvelle, le journaliste Peter Novak de la CBC a précisé que ce nombre était situé environ à 7000 titres. De son côté, Michael Geist a rédigé un article en juin 2015 dans lequel il compare l'offre de Netflix à celle de Crave TV. Il mentionne notamment que Netflix répertoriait plus de 7300 films et téléséries dans le catalogue américain, contre plus de 3700 titres offerts sur le marché canadien par Netflix. Par conséquent, cette diminution d'environ 50% de la variété du catalogue de Netflix semble s'être manifestée plutôt au Canada. Mais cette hémorragie aurait connu une accalmie, car aujourd'hui, lorsqu'on se prête au même jeu, tant du côté de UNOGS que de AllFlix, on observe un maintien de l'offre avec respectivement 3777 et 3857 résultats. On ne cessera de le répéter, les câbles distributeurs sont depuis longtemps terrorisés devant la menace de Netflix et du phénomène des cord cutters, les coupeurs de cordons. Au Canada, ils se sont mobilisés pour diversifier leurs activités de sorte que des services comparables tels que Crave TV chez Bell et First Show Me de Rogers et Shaw ont vu le jour, alors qu'au Québec, le club Illico de Vidéotron est toujours exclusivement réservé à ses abonnés. Ces joueurs profitent ainsi de leur poids pour négocier les droits de distribution exclusive, de films et de téléséries, à la fois pour le web et sur leurs services traditionnels. Devant cette guerre aux enchères, Netflix a préféré miser sur ses productions originales qui obtiennent des performances de loin supérieures de toute façon, mais qui bénéficient également, doit-on le rappeler, d'une bien meilleure visibilité sur la plateforme. Graduellement, Netflix se transforme de simple distributeur de contenu tiers en véritable producteur de contenu exclusif. Et au dire de l'entreprise, c'est ce que souhaitaient ses utilisateurs. Parlant de contenu exclusif à Netflix, le département de l'énergie américain étudie les univers parallèles qu'on retrouve dans Stranger Things. À force d'en parler partout, on pensait avoir fait le tour de Stranger Things, nous dit Hubert Gizmo, jusqu'à ce que le rédacteur du Free Beacon parcourt les communications internes du bureau des affaires publiques du département de l'énergie américain et dévoile des révélations étranges. Pour étoffer son univers, donc la série Stranger Things a été piochée dans plusieurs étranges éléments qui se sont réellement déroulés dans les années 80, présumément. Par exemple, le projet M... non, pas présumément, ce sont vraiment des projets de la CIA. Donc, par exemple, le projet MK Ultra, dont est issu Eleven, a vraiment été lancé par la CIA, même s'il est plutôt basé sur la consommation de LSD. Mais il se pourrait bien que les choses ne s'arrêtent pas là. Le département de l'énergie américain, le DOE, tient un rôle central dans les éléments à l'origine de la série de Netflix. Évidemment, le véritable département n'a pas tardé à démentir ces accusations en affirmant sur son blog ne pas explorer l'univers parallèle. Ça n'a pas suffi à Lachlan Markey, rédacteur pour le site politique Free Beacon, qui a voulu vérifier de lui-même. Après s'être procuré par simple demande des copies des communications internes du bureau des affaires publiques du DOI, le journaliste a trouvé plusieurs phrases à l'encontre de la citation officielle. L'une d'elles affirmait que le département de l'énergie supportait des programmes traitant de manière presque certaine des recherches sur des univers parallèles. Dans un autre courriel, le DOE met la fabrication d'armes... Non, c'est un courriel imprimé, je m'excuse. Ça ressemblait à une feuille. C'est une feuille, c'est parce que c'est un courriel qu'on a fait imprimer. Dans un autre courriel, le DOI admet la fabrication d'armes et la réalisation d'expériences sur des êtres humains. Y a-t-il encore quelque chose dans Stranger Things qui relève de la fiction? Non, parce qu'on aimerait bien se rassurer un peu, nous dit Uber Gizmo. Et finalement, on ne parle plus de télé, mais de Netflix et de cinéma ensemble. Donc des films de Netflix à l'affiche dans des salles de cinéma aux États-Unis. Oui, le monde à l'envers, nous y branchez-vous, l'incontournable service de vidéo sur demande qui fait de plus en plus de la production de contenu, verra certains de ses films être projetés sur grand écran. Comme le rapporte le Wall Street Journal via The Verge, Netflix a ainsi signé une entente avec Epic Entertainment pour que 10 de ses longs métrages prennent l'affiche dans 15 salles de cinéma réparties sur le territoire américain. Bien que ce ne soit pas la première fois que Netflix diffuse au cinéma l'une des, l'une de ses productions. Il s'agit du premier partenariat du genre à long terme pour l'entreprise. Les films prendront affiche donc le même jour que leur publication prévue sur Netflix, et le premier long-métrage à être projeté sera The Siege of Jarrettville. Tout porte à croire que cette projection sera une forme de test pour le duo, puisque l'entente conclue doit officiellement entrer en vigueur en 2017. En activité exclusivement aux États-Unis, Epic Entertainment est un petit exploitant de salles de cinéma offrant une expérience de luxe à ses clients. La carte affichée sur son site web propose une variété de bouchées et de repas dignes d'un grand restaurant. Bien sûr, on peut également profiter de notre film en saborant un verre de vin. Au dire de Ted Sarandos, le directeur responsable des contenus chez Netflix, la principale motivation derrière ce partenariat est de prouver que les films produits par son entreprise ne sont pas des films conçus pour la télé. On ignore bien entendu les détails de ce partenariat, notamment quel sera le partage de profits entre Netflix et Epic Entertainment. Il est intéressant quand même, ça me dérangerait pas du tout de regarder des films comme ça sur un grand écran, même si moi, les cinémas, j'aime pas ça parce que ça pue, les gens sont poches, c'est collant partout, etc. je ne suis pas très social sur le cinéma. Allons-y avec du chiptune maintenant, c'est tout pour Television, pour ceux qui n'auraient pas compris. On s'en va entendre Lazy Nerd. Tu vois, ça me décrit très bien ça aussi. Asocial et lazy, paresseux à mort. Lazy Nerd, voici Few Dates, Much Infatuation, What is Love in a Small Town. Lazy Nerd, MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou, 89 FM. Oh, Faites assez fou pour l'écouter. C'est fou. CFOU.ca. 89. C'était Player Piano avec Tomb Raider 20 Year Celebration Medley. Donc, Player Piano, Crystal Dynamics, avec la compositrice et pianiste Sonia Belousova et le réalisateur Tom Gray qui ont créé Tomb Raider 20 Year Celebration Medley. Une aventure musicale à travers les 20 ans de Tomb Raider, la grande série avec Lara Croft qui explore 4 thèmes dans cette série de jeux. Et d'ailleurs, c'est pour aller avec Rise of the Tomb Raider, The 20 Year Celebration Anniversary qui sortait hier le 11 octobre. Compilation sur sur les consoles de jeux vidéo de toutes les de tous les jeux en fond de la série, c'est pas mal ça. Toujours Mathieu Plante Show. Avant ça, j'ai oublié de dire que c'était Few Dates, Much Infatuation, What Is Love in a Small Town par Lazy Nerd, un hommage bien sûr à la chanson What Is Love Baby Don't Hurt Me de Hathaway dans les années 90. C'était magnifique, une petite parodie de cette chanson là. Maintenant, ben c'est Merci Science. Merci Science, la chronique qui remercie la science d'exister. Commençons avec la maladie de Parkinson, l'intestin et le recyclage des mitochondries en cause. La maladie de Parkinson est associée à des défauts de mitochondries. Or, une réponse immunitaire trouvant son origine dans l'intestin pourrait empêcher le développement de la maladie grâce au contrôle que le système immunitaire exerce sur les mitochondries. Dans un article paru dans Cell Reports, les chercheurs de l'Université de l'Iowa décrivent des expériences réalisées chez le ver Cynorhabditis elegans. Ils ont montré qu'une voie immunitaire est activée dans l'intestin lorsqu'il y a des défauts touchant les mitochondries. Cette activation du système immunitaire protégerait les neurones des effets toxiques d'un dysfonctionnement mitochondrial. Pour Vina Prahlad, auteur de cette recherche qui s'exprime dans Medical Express, une hypothèse est que les cellules immunitaires surveillent constamment les défauts des mitochondries. Ceci pourrait être lié, selon la théorie endosymbiotique, au fait que les mitochondries aient une origine bactérienne, expliquant ainsi qu'elle fasse l'objet d'une surveillance. Ces travaux suggèrent que la protection contre la maladie de Parkinson commence dans l'intestin. Allez voir l'article au complet pour en savoir plus sur assemblagerequis.com. Le prix Nobel de médecine 2016 décerné à Yoshinori Usumi, récompensé donc pour ses travaux sur l'autophagie. Ses longs travaux sur ce mécanisme autodestructeur de la cellule vaut le prix Nobel 2016 de médecine et physiologie au chercheur japonais Yoshinori Usumi. Ses découvertes sur les fondements génétiques de ce phénomène, impliqué dans des maladies comme le cancer, ont ouvert de nouvelles pistes pour de futurs traitements possibles. Récompensé donc pour ses recherches... Pardon. Ah ouais... Donc, récompensé pour ses recherches commencées dans les années 90, le japonais Yoshinori Usumi du Tokyo Institute of Technology explore une piste initiée dans les années 60, l'autophagie, ce mécanisme par lequel une cellule détruit une partie d'elle-même. Cette exploration avait déjà valu le prix Nobel de médecine en 1974 à Christian de Duve, qui a forgé le terme, à Albert Claude et Georges-Émile Palade pour leur étude de nouvelles structures de la cellule, les lysosomes. L'autophagie donc revêt des aspects variés et des rôles multiples comme le recyclage de molécules de la cellule ou, à plus grande échelle, de nombreux organites, et on parle alors de macro-autophagie. Elle est utile durant la formation de l'embryon, peut être déclenchée quand la cellule subit des dommages ou manque de nutriments et est également impliquée dans des maladies. Une structure clé a été découverte, l'autophagosome, plutôt étrange, impliqué dans la macro-autophagie. Donc sphérique, entourée d'une double membrane, elle est capable de tout avaler sur son passage, gobant des mitochondries et tout ce qui se retrouve dans le cytoplasme de la cellule. L'équipe de Yoshinori Usumi a décrit pour la première fois des mécanismes génétiques sous-jacents à ces mécanismes, chez la levure, puis chez d'autres organismes, dont les mammifères. La famille de gènes impliquée a été baptisée ATG pour Autophagy Related Genes. Ces découvertes de biologie cellulaire sont aussi des avancées médicales, car ces mécanismes d'autophagie sont impliqués dans plusieurs maladies, notamment des cancers et des maladies neurologiques comme Parkinson et Alzheimer. En 2013, parlait d'une piste de traitement de la maladie d'Alzheimer qui ciblait une protéine, la Bicline 1, impliquée dans l'autophagie. On parle de VIH maintenant. Un patient britannique guéri du sida. La presse britannique se fait l'écho d'un premier résultat encourageant obtenu dans un essai clinique où un homme n'avait plus le virus VH1 détectable. VH1, c'est une chaîne de télé américaine. VIH, c'est pas de la sauce VH non plus. Donc le virus VIH détectable dans son sang. D'autres traitements en test ont laissé entendre qu'il était possible de se débarrasser définitivement du VIH. Donc la presse britannique annonce les premiers résultats d'un essai clinique portant sur 50 personnes et au terme duquel un homme n'avait plus du tout de virus VIH dans son sang. Mais attention, ces résultats sont encore précoces. La prudence reste de mise en attendant les résultats complets et une publication officielle. Le traitement testé comprend plusieurs étapes et a pour originalité de s'attaquer aux cellules dans lesquelles le virus reste dormant. Tout d'abord, des antirétroviraux stoppent le VIH, puis un médicament, le vorinostat, active les lymphocytes T dormants pour les forcer à exprimer des protéines du VIH. Ces cellules seront supprimées par le système immunitaire qui a appris à reconnaître le VIH grâce à un vaccin. En 2007, un Américain, Timothy Brown, surnommé le patient de Berlin, a été guéri du VIH grâce à une greffe de moelle osseuse visant à traiter sa leucémie. Il est officiellement le seul patient guéri du VIH. Il faudra donc attendre de voir comment l'état de ce Britannique va évoluer dans le temps pour confirmer une guérison. Avoir de l'acné pourrait protéger votre peau du vieillissement. Voici donc de quoi réconforter les ados qui souffrent d'acné et même les adultes. Leur peau serait protégée du vieillissement et paraîtrait plus jeune à l'âge adulte que celle de ceux qui n'ont pas eu d'acné. En effet, une recherche génétique montre que les femmes enclines à l'acné ont des télomères plus longs. Les télomères sont des structures situées aux extrémités des chromosomes et qui raccourcissent à chaque fois qu'une cellule se divise. Ce raccourcissement des télomères est associé au vieillissement, mais une enzyme, la télomérase, permet de reconstruire les télomères et de ralentir le processus de mort cellulaire et de sénescence. La sénescence étant... Non? Est-ce que la... d'habitude, il y a des... Non? Non? D'habitude, la définition apparaît sur le mot, sur l'article. À l'inverse, le tabagisme et l'obésité peuvent accélérer le raccourcissement des télomères, ce qui explique que les fumeurs ou les personnes très obèses aient parfois l'air plus âgées qu'elles ne sont. D'après Simone Ribeiro, dermatologue au King's College London et auteur de cette étude parue dans le Journal of Investigative Dermatology... Non, on va recommencer ça. Journal of Investigative Dermatology. Je cite, « Pendant de nombreuses années, les dermatologues ont identifié que la peau des personnes souffrant d'acné semble vieillir plus lentement que chez celles qui n'ont pas connu d'acné dans leur vie. » Pour comprendre le phénomène, son équipe a mesuré la longueur des télomères des globules blancs chez 1205 jumelles. Donc, ça veut dire 2410 personnes, dont un quart a affirmé avoir eu de l'acné dans sa vie. Les chercheurs ont trouvé que les femmes qui avaient eu de l'acné possèdent... Non, c'est 1205 jumelles, ça veut dire qu'il y a une personne... Non, sûrement pas les... Ouais, je comprends pas, c'est pas un chiffre pair. Ça se tient pas. Les chercheurs ont trouvé que les femmes qui avaient eu de l'acné possédaient des télomères significativement plus longs, donc 7,17 kilobases ou KB, ou que celles qui n'avaient pas eu d'acné, donc 6,92 kilobases. Les cellules des femmes qui avaient eu de l'acné semblaient donc protégées contre le vieillissement. Les chercheurs ont aussi étudié l'expression des gènes dans des biopsies de peau pour savoir si certaines voies moléculaires étaient liées au risque d'acné. Ils ont trouvé un gène souvent exprimé chez les femmes qui avaient eu de l'acné, le ZNF420, qui est impliqué dans une voie de contrôle de la mort cellulaire programmée. Eh ben, ça me tracasse toujours l'histoire du chiffre impair, là, je comprends pas. Maintenant, en sécurité, des mots de passe envoyés à travers le corps. En se servant du corps humain comme conducteur d'un signal électromagnétique basse fréquence, une équipe de chercheurs nord-américains est parvenue à faire transiter un mot de passe et même une clé de chiffrement entre deux terminaux en contact physique, avec la personne. Le système fonctionne à partir des ondes émises par les lecteurs d'empreintes digitales des smartphones et les pavés tactiles des ordinateurs portables. L'Internet mobile, l'informatique dans le nuage ou le cloud computing, la multiplication des objets connectés ainsi que l'avènement de la domotique posent le problème de la gestion des mots de passe. Sécuriser l'accès, le transfert de données entre de multiples terminaux via des connexions sans fil de type Wi-Fi ou Bluetooth n'est pas idéal car ces signaux peuvent être interceptés et dans certains cas piratés. Il n'existe pas vraiment d'autres solutions qui offrent à la fois un haut niveau de sécurité et une facilité d'usage. Pourtant, des chercheurs de l'Université de Washington ont testé avec succès une alternative étonnante qui consiste à se servir du corps humain pour faire transiter un mot de passe entre deux appareils électroniques. Leur méthode, décrite dans un article intitulé « Enabling on-body transmissions with commodity devices », repose sur les signaux électromagnétiques basse fréquence qui émettent les lecteurs d'empreintes digitales des smartphones et les pavés tactiles des ordinateurs. L'idée est de se servir de la réceptivité du corps à ce type d'onde pour faire circuler un mot de passe ou une clé de chiffrement depuis un smartphone ou un ordinateur portable jusqu'à un terminal cible avec lequel l'utilisateur est en contact physique. Par exemple, il peut s'agir de déverrouiller l'ouverture d'une porte pour entrer dans un bâtiment ou un véhicule en plaçant d'un côté le doigt sur le lecteur d'empreintes digitales du smartphone tout en saisissant la poignée de l'autre main pour établir le contact et faire de notre corps le vecteur du sésame invisible. D'après les chercheurs, le système pourrait également servir à sécuriser l'accès à des appareils médicaux tels que les pompes à insuline ou les moniteurs de glucose. L'équipe de l'Université de Washington a découvert que les pavés tactiles et les lecteurs d'empreintes digitales émettent des signaux dans une bande de fréquence de 2 à 10 MHz afin d'identifier la position du doigt dans l'espace et de lire les reliefs uniques que forment nos empreintes à la surface de la peau. Ils ont réussi à exploiter ce signal pour envoyer de l'information sous une forme binaire en utilisant le processus de numérisation pour encoder et transmettre les données. Ainsi, une lecture du doigt correspond à 1 bit de données et une non-lecture à un 0 bit. Durant leurs expérimentations, les chercheurs sont parvenus à atteindre un taux de transfert de 50 bits seconde via le pavé tactile d'un PC portable et 25 bits seconde avec un lecteur d'empreintes digitales. Cela était apparemment suffisant pour envoyer un mot de passe simple ou un code en quelques secondes. L'idée d'utiliser un corps humain pour faire circuler des données est explorée depuis au moins une vingtaine d'années, mais rien de bien concret n'en est sorti. En 2013, Microsoft avait même obtenu un brevet pour faire de notre corps un réseau, tout en restant assez vague sur l'appareillage. Les experts de l'Université de Washington semblent tenir quelque chose de plus abouti, même si de leur propre aveu, le système est encore perfectible. Selon eux, il serait possible d'augmenter la vitesse de transmission si les fabricants de ces capteurs ouvraient davantage l'accès à la partie logicielle de leurs produits. Leurs travaux sont financés notamment par Intel et Google, qui s'intéressent beaucoup à la problématique des mots de passe. Êtes-vous attirant? La réponse se trouve à côté de vous. L'attirance d'une personne est jugée en fonction de la beauté de celle qui se trouve à proximité d'elle, montrent des travaux de chercheurs britanniques. Oubliez votre beauté intrinsèque, nous dit Radio-Canada.ca. Le docteur Nicolas Furl et ses collègues de l'Université de Londres affirment qu'une personne sera mieux placée sur une échelle d'attirance si elle est jugée en présence de personnes moins attrayantes à ses côtés que si elle est seule. Deux croyances populaires opposées tentent d'expliquer le phénomène d'attirance. La première veut que le niveau d'attirance d'une personne soit fixe. La deuxième affirme que le fait de s'entourer de personnes moins belles permet de mieux paraître. Les présents travaux montrent que le jugement d'attirance est bel et bien influencé par le contexte, c'est-à-dire par les autres personnes en présence, mais qu'il peut aussi changer en fonction de ce contexte. Cette étude confirme donc que l'attrait que nous suscitons n'est pas statique, mais qu'il peut fluctuer. Ainsi, un visage moyennement agréable entouré de visages désagréables deviendra plus attrayant qu'il le serait seul. Voilà. Les détails du travail qui aurait été pertinent dans l'article, parce que l'article dit absolument rien, est publié dans le journal Psychological Science. C'est vraiment Radio-Canada qui a écrit ça, parce que tous les paragraphes sont la même chose. Mais bon. Et pour terminer, Challenger, oui, l'éolienne qui tire son énergie des typhons. Au Japon, l'entreprise Challenger, c'est comme un genre de mot entre challenge et energy. Et c'est vraiment douteux. Elle vient d'installer à Okinawa une éolienne à axe vertical, exploitant l'effet Magnus, qui ne peut fonctionner que dans les typhons. Au pays du nucléaire couchant, qui doit importer 80% de son énergie, on y croit. Nous dit Futura Science, chacun de ces phénomènes météorologiques et géants explique que les inventeurs contiennent assez d'énergie pour alimenter le Japon pendant 50 ans. Alors que les éoliennes classiques doivent être arrêtées par grand vent, les pales étant tournées dans le sens du vent, des ingénieurs japonais, viennent de faire l'inverse. Mettre en marche leur installation quand un cyclone tropical dévastateur ou un typhon traverse l'archipel japonais. On pourrait sourire, mais l'entreprise Challenger va jusqu'au bout de l'idée avec un modèle expérimental à Okinawa, dans ce pays en quête d'énergie depuis l'accident de Fukushima et le coup de frein aux sources nucléaires. Toutes les pistes doivent être explorées. Les ingénieurs avancent une information qui a du succès dans les médias, donc un seul typhon représente une quantité d'énergie égale à la consommation du Japon en 50 ans. Bien sûr, pour en profiter pleinement, il faudrait récupérer toute l'énergie du typhon, ce qui est impossible. L'éolienne de Challenger n'ira pas jusque-là, mais attend les prochaines bourrasques pour faire ses preuves. Cette éolienne verticale très particulière est constituée d'un axe autour duquel tournent non pas des pales, mais une sorte de tourniquet portant trois cylindres tournants. L'avantage de la solution est d'être omnidirectionnel. L'engin n'a pas besoin d'être orienté dans le sens du vent. Les pales sont donc ces cylindres mis en rotation et sur lesquels l'air en mouvement engendre une force latérale par effet Magnus. C'est ce phénomène qui donne des trajectoires courbes aux ballons de football et aux balles de tennis, par exemple. Il existe déjà des éoliennes exploitant l'effet Magnus, mais aucune n'est prévue pour tourner par des vents aussi puissants que ceux d'un cyclone tropical, un ouragan ou un typhon, qui sont en passant trois appellations du même phénomène. Quelle puissance peut atteindre cette éolienne? D'après CNN, Shell Energy avance au rendement, un rendement de 30%, mais sans préciser la méthode de calcul, il faudra attendre qu'un cyclone tropical passe sur cette éolienne pour réaliser des mesures en situation réelle. En 2016, le Japon a vu passer sur son territoire quand même 6 typhons. Voilà, c'est tout pour Merci Science. Merci Science! Maintenant, on s'en va entendre de la musique chiptune de Sonic. C'est le Super Sonic Speed Sonic Megamix. Oui, donc, pourquoi pas, c'est Game Chops, la grande étiquette de jeux vidéo, et le Funk Master Rob KTA qui nous présente ça. On écoute, pourquoi pas, hein? Entendre Rob KTA et Super Sonic Speed. Tout de suite, MPS, le Mathieu Plante Show, assez fou, 89 FM. We'll be right back.

la musique de sélection du fichier File Select par Groove Cube, évidemment une chanson de Mario 64. C'est encore une fois sur le label Game Chops, eux qui offrent tellement plein de remixes. Juste avant, on avait entendu une autre pièce de Game Chops. C'était Rob Katie avec Sonic Megamix, Super Sonic Speed. Voilà, Rob Katie. La deuxième, donc un remix de Mario 64. La première, un remix des musiques de Sonic the Hedgehog, Sonic 2, Sonic 3, Sonic Adventure 2 et plusieurs autres pour célébrer le 25e anniversaire de Sonic. Maintenant, ça va être le moment d'un petit bloc spécial, particulier dans l'émission. Ça va être la chronique CNX. On a tout plein de contenu à faire dans CNX. Par contre, aujourd'hui, à l'UQTR, il va y avoir une petite alarme qui va sonner pendant la chronique. Donc à ce moment-là, on devra interrompre l'émission. Mais comme c'est imprévisible, je préfère ne pas être en musique pendant une heure puis pas devoir faire mon contenu, hein, pas pouvoir faire mon contenu. Donc on va commencer CNX avec des nouvelles de robots. Tout de suite, pourquoi pas, segment Geek Scenix. CNX, la chronique qui parle de technologie, d'informatique, de jeux vidéo, de trucs comme ça. Commençons avec des robots, comme je disais. Aussi, à Tech 2016, les robots compagnons arrivent en force. Linchan, Kirobo Mini, Robohan, Robopin, ce sont quelques-uns des robots compagnons dévoilés au salon Seatech de Tokyo, au Japon. Si beaucoup ressemblent à des jouets sortis tout droit d'un manga, ils vantent un recours à l'intelligence artificielle qui leur permettrait d'être beaucoup plus proche de nous. Le salon de l'électronique japonais Seatech est cette année peuplé de mini-créatures appelées des robots, même si parfois elles s'apparentent plus à des figurines animées dont l'intelligence est ailleurs dans un nuage informatique ou le cerveau humain, nous dit Futura Science. Linchan se souvient en outre du prénom de chacun, mais en fait tout repose sur les services contenus sur des serveurs distants, donc du cloud computing, qui eux ont des fonctions d'intelligence artificielle. Ils ont opté pour cette taille d'environ 15 cm et cette forme, une boule, afin que ce petit assistant robot soit certes visible dans la maison, mais n'ait pas une présence si importante qu'il en deviendrait gênante. Le Kirobo Mini de Toyota maintenant, qui vous accompagne en voiture. Toyota le reconnaît aussi d'emblée, son petit personnage Kirobo Mini, inspiré de son aîné Kirobo, envoyé dans l'espace, n'est pas intelligent. S'il est capable de converser avec son maître ou de lui donner des informations, c'est qu'il est surtout doté de fonctions de télécommunication sans fil, avec un serveur qui, lui, concentre toutes les données et algorithmes pour analyser et répondre. À l'instar de Sony, qui n'était pas au salon, qui veut de nouveau créer des robots qui n'est pas forcément l'apparence de robots, Fujitsu, concepteur de Robopin, explique que l'intelligence artificielle n'est pas seulement applicable à ces créatures qui singent plus ou moins l'homme ou l'animal, mais à tous les appareils du quotidien. Fujitsu imagine par exemple introduire une dose d'intelligence artificielle dans des distributeurs d'argent Sharp, d'argent Sharp, lui, en dote aussi un robot aspirateur ou un four à micro-ondes. Le sigle intelligence artificielle apparaît souvent pour vanter les capacités intellectuelles d'objets qui seraient de la sorte plus proches des humains, voire les surpasseraient. Si cela peut être vrai sur une tâche donnée, comme un jeu d'échecs avec calcul par anticipation de tous les coups possibles, le tri de boîtes de médicaments pour un robot industriel, la faculté de jugement au cas par cas en fonction d'un nombre incommensurable de paramètres pris en compte par le cerveau humain est encore loin d'être égalée par la machine, selon le roboticien Katsumori Sakakibera. Rien ne vaut encore l'intelligence et la communication humaine, et c'est la raison pour laquelle le robot Kaiba n'est pas intelligent. Il est juste mobile et capable de répliquer les gestes d'un humain ou de retransmettre sa parole. Kaiba est en effet piloté à distance par une personne qui, en outre, écoute ce que le robot capte avec ses micros et voit sur un écran ou un casque écran ce que le robot saisit avec ses yeux caméra. Quand l'instructeur bouge les bras, le robot fait de même. Quand il tourne la tête, l'automate il l'imite presque en temps réel. Allez voir ces petits robots-là en action dans des vidéos sur assemblagerequis.com. On reste chez les robots avec le Cibathlon, les cyborgs ont leur compétition sportive. Donc le Cibathlon, la première compétition d'athlètes équipés d'appareillage bionique, se tenait le 8 octobre à Zurich en Suisse. Les technologies les plus évoluées de prothèses robotisées de jambes et de bras, les fauteuils roulants, les exosquelettes, les vélos et les interfaces cerveau-machine s'affrontaient autant que les athlètes. Lors des Jeux paralympiques d'été qui se sont achevés en septembre, les athlètes rivalisaient sur un pied d'égalité avec leurs prothèses de haute technicité et autres accessoires. À l'avenir, ils pourraient aller bien au-delà de ce que les athlètes valides peuvent réaliser grâce à des prothèses bioniques. Ces sportifs augmentés par un système d'assistance robotisée malgré leur handicap s'affrontaient donc le 8 octobre dernier à Zurich en Suisse lors de la toute première compétition de jeux bioniques. Baptisé Cibathlon, cet événement est soutenu par 6 organisations spécialisées dans le suivi et le soutien aux personnes handicapées et par le National Center of Competence in Research Robotics, donc le NCCR Robotics. On peut le permettre à ces cyborgs de concourir lors d'épreuves sportives. La compétition y a également pour objectif de sensibiliser le public sur l'évolution des travaux en matière de prothèses artificielles et de renforcer les échanges des équipes de recherche qui travaillent sur le sujet. Si ces épreuves étaient organisées et chacune d'elles était liée à un type de handicap, La première, l'épreuve pour les avant-bras bioniques. Pour les athlètes amputés d'avant-bras, il faudra, avec leurs membres bioniques, déplacer le plus rapidement possible un anneau le long d'un câble suivant un parcours sans jamais toucher le câble. Une seconde épreuve consistait à manipuler des objets et accessoires de différentes formes de façon précise. L'épreuve pour les tétraplégiques, baptisée BCI pour Brain Computer Interface, cette compétition permettait à des athlètes tétraplégiques de piloter par la pensée leur avatar lors de courses virtuelles sous la forme de jeux vidéo. La course cycliste pour les participants souffrant de lésions de la moelle épinière, donc les paraplégiques. Cette course cycliste sur piste, dont le tour mesure 200 mètres, se déroulait à bord d'un vélo couché doté d'une assistance à stimulation électrique. L'épreuve d'athlétisme pour les amputés des jambes appareillées avec des prothèses robotisées. Il s'agit d'une course à pied dans un parcours semé d'obstacles. La course d'exosquelette. Les athlètes paralysés des membres inférieurs seront équipés d'un exosquelette leur permettant de s'affronter sur une course de vitesse parsemée d'obstacles. Et finalement, l'épreuve pour fauteuil roulant motorisé. Les amputés des deux jambes, les tétraplégiques ou les paraplégiques concouraient sur des fauteuils roulants animés par des moteurs électriques sur un parcours doté d'obstacles et de dénivelés. En termes de récompense, pour chaque épreuve du cibathlon, une médaille était attribuée au vainqueur, mais aussi au laboratoire qui a réalisé le meilleur système d'assistance. Contrairement aux épreuves IndySport classiques, l'équité technologique n'est pas de mise dans ces épreuves. Le règlement du cibathlon autorise, voire encourage, les fournisseurs d'appareils à assistance robotisée à équiper les athlètes des technologies les plus avancées parce que l'idée de la compétition est avant tout de faire avancer les recherches en la matière. Il faut simplement que les prothèses n'aient pas été développées uniquement dans l'objectif de remporter une épreuve précise, mais qu'elles puissent être employées au quotidien. On reste chez les robots avec le robot mineur de la NASA qui pourrait révolutionner l'exploration spatiale. Suite à l'annonce des plans de colonisation de Mars d'Elon Musk, de nombreux yeux se sont levés vers la planète rouge. Cependant, on ne se rend pas sur Mars que pour s'installer, mais aussi pour étudier. C'est dans cette optique que la NASA a dévoilé son nouveau prototype de robot mineur, évidemment complètement high-tech. Son nom est Razor, pour Regolith, je vais répéter ça, c'est Razor, mais R-A-S-S-O-R, pour Regolith Advanced Surface Systems Operations Robot. L'entreprise américaine le surnomme déjà le robot col bleu. C'est que la mission du Razor sera de mettre les mains dans le cambouis, donc dans la roche, puisqu'il est conçu pour miner la surface de planète pour récolter de l'eau, de l'oxygène ou du fuel. Jusqu'à présent, tous les composants étaient déjà embarqués directement depuis la... Tous ces composants-là étaient embarqués directement depuis la Terre, ce qui alourdissait considérablement les lanceurs. L'efficacité du Razor à dénicher ces éléments sur place permettrait d'alléger les propulseurs et de diminuer drastiquement le coût d'un décollage. De là, pas difficile de comprendre pourquoi le robot pourrait révolutionner l'exploration spatiale et multiplier le nombre de missions. En attendant sa première sortie en dehors de notre atmosphère, Razor est actuellement en période de test au Kennedy Space Center, mais son développement pourrait être accéléré s'il réussit plusieurs tests de résistance qui l'attendent. On continue avec les robots, encore un bon moment, parce que le robot champion de ping-pong est de retour. Est-ce que vous vous souvenez de Forfius? Le robot spécialement conçu par Omron pour vous mettre une raclée au ping-pong. Après avoir été présenté au CEA Tech de 2014 et être réapparu à la version 2015, le droïde ping-pongophile a fait son grand retour au CEA Tech 2016 et il est plus fort que jamais. Pour ceux qui ne sont pas au courant, donc le CEA Tech, on en parlait tantôt, c'est le Combined Exhibition of Advanced Technologies. C'est un salon high-tech qui a lieu chaque année à Tokyo. L'année passée, un robot avait particulièrement attiré l'attention. C'était Forfius, développé par les Japonais de Omron Corporation. Un robot qui n'est pas n'importe lequel, puisqu'il est spécialisé dans le ping-pong. Pour cette version 3.0, le design reste sensiblement identique au précédent. Les capteurs, quant à eux, ont été rendus beaucoup plus sensibles. Cela permet au robot de Omron d'être plus précis et rapide qu'auparavant. De plus, la nouvelle version serait même capable de renvoyer les balles dans des angles nouveaux et imprévisibles. Cependant, la grosse mise à jour de ce robot peu conventionnel est sa capacité à adapter son niveau de difficulté en milieu de partie. Ces différents niveaux existaient déjà dans la version de 2015, mais elle était à sélectionner directement par le joueur. Forfius 3.0 ne s'embarrasse pas dans de tels détails, puisqu'il peut analyser le jeu de son adversaire et modifier lui-même son niveau d'expertise. Pour ceux qui se demanderaient quelle peut être l'utilité d'une telle machine, Omron prévoit déjà utiliser cette technologie de reconnaissance et d'adaptation pour automatiser certaines tâches industrielles. Quand même pas si mal pour un joueur de ping-pong. Et pour terminer ce bloc, Hasbro présente un chat robot pour personnes âgées et un Golden Retriever. Si nos chères petites têtes blondes font partie des adeptes de la marque Hasbro, il reste malgré tout un large pan de la population à séduire. Il était regrettable de ne pas cibler les personnes âgées, disent-ils. Ouais, c'est ça. Qui a dit que les jouets ne devaient être que pour les enfants? Quel mauvais début d'article chez Uber Gizmo. Bref, voici une nouvelle ligne donc d'animaux de compagnie robotisés hyper réalistes. Il y a un an environ, Hasbro présentait un chat permettant de redonner le sourire aux personnes âgées. Bien, aujourd'hui, plus de jaloux. Voici la version chien avec le Golden Retriever. La gamme Joy for All tient à reconnaître les besoins des personnes âgées. Si nous avons grandi avec des Tamagotchi pour apprendre à s'occuper des animaux, pourquoi ne pas endiguer la solitude de certains papis et mamies grâce à des robots aux airs étonnants d'animaux? Ces chats sont conçus pour apporter du réconfort à un ami et du plaisir aux personnes âgées. Dotés d'une fourrure réaliste, ils ronronnent et miaulent. Les capteurs répondent aux caresses et aux câlins avec des réactions familières de félins. C'est pas merveilleux? Allez voir les photos sur assemblagerequis.com si ça vous intéresse. Le prochain bloc est un bloc de voiture. On en parlera au retour. On va essayer de se sauver de l'alarme qui doit sonner dans les prochaines secondes. On va entendre une pièce qui est tirée de Legend of Zelda. C'est Team Benzai qui nous offre ça directement de chez Game Chops, encore une fois. Donc, c'est Magic Axe The Potion Shop dans Zelda Majora's Mask qui est remixé dans ce cas-ci. Donc, allons l'entendre. Team Benzai, les entendre tout de suite. MPS, le Mathieu Plante Show, c'est fou dans vos oreilles. De Portland en Oregon. Toujours avec Game Chops, un remix de Magic Hags, Potion Shop de Zelda Majora's Mask. Vous pouvez retrouver ça sur assemblagerequis.com, sur iTunes, un peu partout. Comment on a réussi à se sauver de l'alarme, du test d'alarme de QTR qui devrait avoir lieu dans les prochaines minutes? On va rester en musique pour ne pas se faire prendre. Donc, on va commencer une nouvelle série en concert. C'est le bon moment, je pense, pour ça. On va entendre l'album World 1-2 par Brave Wave. C'est une compagnie... ça vient de Game Chops, encore une fois. Donc, tout vient de Game Chops aujourd'hui, ou presque. World 1-2, c'est un album avec des compositeurs de jeux renommés et des remixeurs qui leur rendent hommage. Donc, musique originale de Austin Wintory qui a été nominé aux Grammys. Lui est de Journey. Manami Matsume de Mega Man et des remixeurs célébrés comme Steam Age et Danimal Cannon de Metroid Metal. Donc c'est un projet de musique réalisé et produit par Mohamed Taher de chez Koopa Soundworks, un album de collaboration donc, qui combine de jeunes musiciens indépendants avec des compositeurs vedettes de l'industrie des jeux vidéo. World 1-2, donc c'est un mélange unique de créations originales et de remix qui sentent la nostalgie. Voilà. Tout l'argent de World 1-2 généré pour cet album va se rendre directement à de nouveaux projets par Koopa Soundworks. Donc, savourez cet album World 1-2. On va entendre dans ce bloc plus tard un remix de Metroid Prime. On débute par contre avec Andy Bissig. Voici World Fest. MPS, le Mathieu Plante chaud sur ses fous. 89.1 Trois-Rivières. Vous êtes à Cibout? À Trois-Rivières, c'est le 89.1. The Cold Ruins of a Once Great City, Metroid Prime par ABS RDST, Absurdist. Sur la compilation World 1-2 de Brave Wave. Brave Wave qui est une étiquette finalement qui explore un peu l'intersection entre les jeux vidéo, la musique et la nostalgie. On continue notre série en concert avec un autre bloc. Continuons avec la quatrième pièce, Chipzel et Tokyo Skies. MPS de Mathieu Planche. We'll be right back. c'était Benjamin Brains avec Driving Upwards, la sixième pièce de la compilation World 1-2 par Brave Wave et Game Chops au Mathieu Plante Show. On a eu le temps d'entendre six pièces aujourd'hui, tout ça parce qu'il était supposé avoir une alarme de feu qui sonne quelque part entre 15 et 30. J'ai passé 20 minutes à attendre après ça, puis ça n'a pas eu lieu encore. Je suis sûr que si je commence une chronique là, que ça va être pendant la chronique que ça va avoir lieu. J'en suis presque certain, mais j'ai envie de prendre le risque quand même de ne pas gaspiller mon contenu. Et voilà. Allez télécharger la compilation World 1-2 de Brave Wave sur assemblagerockey.com, sinon bravewave.net. Ça date de 2013, mais c'est vraiment très très bon. À part peut-être le petit bout de dance là, dans cette chanson-là, un petit peu moins mon genre, mais c'est pas grave. Comme j'ai dit, on va essayer pour quelques petites minutes à peine de faire la chronique Scénix, deuxième partie. Scénix, la chronique technologique, informatique et vidéoludique. Cette fois-ci, on va faire un petit bloc voiture, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Une pub. OK. Bref, j'étais en train de dire que les dispositifs contre la somnolence au volant s'en venaient. Tout au long du Mondial de l'Auto, Turbo.fr, en partenariat avec la Société Générale, proposait des vidéos sur le thème du conducteur de demain. Donc, on a découvert les dispositifs mis en place par les constructeurs pour contrer le phénomène de somnolence au volant qui est responsable de nombreux morts, notamment sur l'autoroute. Pour éviter ces accidents, les stratégies varient. Si certains se basent sur les statistiques du correcteur de trajectoire, un déclenchement trop régulier, par exemple, ou de plus en plus fréquent, est un signe qui ne trompe pas. D'autres utilisent carrément des caméras qui vont surveiller le visage du conducteur. D'autres acteurs sont également partie prenante dans cette problématique. Des capteurs placés au doigt vont contrôler la vigilance du conducteur afin d'émettre des vibrations, voire un fort signal sonore en cas de baisse de l'attention. Pour en savoir plus, allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. Honda dévoile un petit véhicule électrique imprimé en 3D. Quelques jours après l'ouverture du Mondial de l'automobile à Paris, c'était le SEATEC 2016, on en parlait tantôt, au Japon. Et là-bas, les visiteurs pouvaient aussi découvrir une voiture, une étonnante et petite création signée Honda, électrique et imprimée en 3D. Ce qui impressionne, c'est l'impressionnante personnalisation offerte par la Honda Micro Commuter. Conçue en collaboration avec la start-up japonaise spécialisée dans l'impression 3D Kabuka en seulement 2 mois, le véhicule a été pensé pour effectuer les livraisons du géant japonais de la confiserie et pâtisserie Toshimaya. La Micro Commuter atteint les 129 km/h maximum, mais c'est pas l'objectif du véhicule. Les deux objectifs pris en considération étaient les suivants. Un véhicule suffisamment compact pour arpenter les petites rues et personnalisable pour accueillir un maximum de choses dans un espace restreint. L'impression 3D montre une fois de plus tout ce dont elle est capable. Rien ne semble lui faire peur, pas même les voitures. Honda, de son côté, devrait commercialiser ses premiers micro-commuters d'ici le printemps prochain. Allez voir les petites photos super cute, on dirait un œuf extra bacon. Ensuite, émissions de CO2. Les voitures les plus propres sont aussi les plus économiques. Selon une étude menée par les chercheurs du Massachusetts Institute of Technology et contrairement à quelques idées reçues, les voitures les plus propres sont aussi les plus économiques. La transition vers un système de transport plus vert n'aura pas lieu sans l'adhésion du public, affirme Jessica Trancic, professeure associée en études énergétiques au MIT. Et pour emporter l'adhésion du public, l'un des leviers les plus sûrs reste celui du porte-monnaie. Alors, avec son équipe, elle a étudié 125 modèles de voitures disponibles aujourd'hui sur le marché américain afin de fournir aux consommateurs une information mettant en balance les émissions de CO2 et les coûts des véhicules. Pour évaluer le coût d'une voiture, les chercheurs du MIT ont inclus non seulement son prix d'achat, mais aussi les coûts d'entretien et d'utilisation. Et pour évaluer les quantités de CO2 émis par les véhicules, ils n'ont pas seulement considéré les émissions de gaz d'échappement, ils ont également pris en compte celles générées par la fabrication de la voiture, ainsi que celles provenant de la production du carburant ou de la production de l'électricité nécessaire à son fonctionnement. Des choix qui expliquent la variabilité régionale des résultats, comme la part d'électricité renouvelable plus importante dans le mix énergétique local, par exemple. Mais en moyenne, ce sont bien les voitures les plus propres qui coûtent aussi le moins cher au kilomètre parcouru. Toujours dans l'idée de rendre l'information accessible au plus grand nombre, l'équipe du MIT a également décidé de développer une application baptisée Carbon Counter. Celle-ci permet aux usagers de la route de situer les performances économiques et environnementales de toutes les voitures incluses dans le panel, de quoi prendre une décision éclairée au moment d'une future acquisition. Le premier test de public de la route solaire. Vous vous souvenez des routes scolaires? Ce concept de route futuriste composé d'une myriade de petits panneaux solaires capables de soutenir le poids d'un camion et de produire une énergie verte à grande échelle. On en parlait il y a quelques années de ça. On avait parlé qu'il y avait l'installation d'un millier de kilomètres en France récemment. Récemment, l'entreprise Solar Roadways, à l'origine de ce produit, a initié le premier test public de sa route solaire. C'est sur le sol d'une place de Sandpoint dans l'Idaho que les premiers panneaux solaires de ce type ont été posés. Pas la peine d'imaginer les choses en grand pour ce premier test. Seulement 30 panneaux ont été installés. Il faudra encore de longues années avant qu'on les retrouve sur les routes. Mais le but est de démontrer que l'idée est plus qu'un simple concept. Pour preuve, les quelques panneaux solaires présents sur la place suffisent à alimenter la fontaine et les toilettes présentes sur le lieu public. Une première étape avant qu'ils s'étendent à l'alimentation énergétique de villes plus larges via les routes solaires. Pour que les plus sceptiques puissent en juger par eux-mêmes, la ville de Sandpoint propose une live cam du square où sont installés ces fameux panneaux. Faut aller voir ça en direct, c'est cool, sur assemblagerequis.com. On va en Chine maintenant qui teste les premiers monorails suspendus à batterie. En matière de transport public, les solutions sont nombreuses. Le rail est souvent plébiscité pour les longues distances. En ville, il peut prendre différentes formes, dont le monorail suspendu, qui est très impressionnant. La Chine vient de démarrer les premiers tests d'un réseau de ce genre avec des trains alimentés par batterie. L'année dernière, à la Rail Transit Technology Exhibition, la Chine dévoilait son intention de bâtir un réseau de monorails suspendus futuriste. Maintenant, la première ligne avec des trains alimentés par une simple batterie lithium-ion a été dévoilée et testée à Chengdu, dans la province de Sichuan. Le train a pu atteindre la vitesse de 100 km/h sur le tronçon de 300 mètres mis en place. Ce train offre une capacité assise de 120 passagers par voiture et tout, y compris la batterie développée par la Southwest Yaotong University, a été conçu dans une optique économique. Ce réseau coûte ainsi un huitième seulement au kilomètre d'un réseau ferré souterrain. Le projet n'en est qu'à ses débuts. La section de test devrait rapidement atteindre 1,2 km avec une station de charge. Elle permettra ensuite de tester les virages, les montées et les descentes. Il faudra enfin des dizaines de milliers de kilomètres avalés avant d'envisager une ouverture à grande échelle. Donc, aucune date encore. Est-ce qu'on termine avec celui-là? Tiens, ce camion d'épuration japonais qui sent le chocolat. Les camions d'épuration ne sentent pas la rose, mais au Japon, certains ont depuis peu la chance de sentir le chocolat. De quoi plaire véritablement aux habitants du quartier. Une nouvelle technologie qui devrait faire des heureux. En 2011, Yamamoto Fragrance et Shikiko créent un désodorisant, le Deo Magic. Il est depuis largement utilisé dans les couches et autres produits pour animaux. Depuis peu, et avec l'aide de deux autres sociétés basées à Osaka, il est intégré dans l'huile utilisée par les camions d'épuration, mais avec cette fois un arôme de chocolat. Selon une vidéo promotionnelle, un test a été effectué, accueilli très positivement par toutes les personnes impliquées, y compris les résidents. Mais sur Twitter, les réactions sont plus étonnantes. Certains s'interrogeaient sur le choix de l'odeur, d'autres sur le fait que ça sente quelque chose. Pourquoi ne pas avoir cherché à faire quelque chose sans odeur? Toujours des gens pour chialer. D'autres même se demandaient ce qui se passerait si les gens voulaient lécher cette odeur de chocolat dans l'air. C'est absolument ridicule. Tau, l'une des sociétés participant au projet, vend d'ores et déjà l'huile Diog Magic VC1 au prix de 35 000 yens pour les 20 litres. Ok, oui. Voilà, c'est tout pour ce bloc de Cénix et c'est tout pour l'émission de cette semaine du Mathieu Planchot. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, toujours les mercredis entre 15h et 17h. On rappelle les jeudis à midi et les mardis à 10h. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30 ainsi qu'au Palmarès C'est fou les mardis de 14h à 17h. Programmation complète sur cifre.ca. Note de l'émission balado diffusion sur assemblagerequis.com. On se quitte avec une pièce de Pokémon Flow, James Landino. C'est inspiré de Pokémon Go, Lavender Town Remix. Restez sur les ondes pour Audiomatique à 17h le mercredi de la part de toute l'équipe ici du Mathieu Plante Show et Mathieu Plante. C'est Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye bye.